Ses feux stop sont allumés et son clignotant droit fonctionne. Ce bus est arrêté. La ligne en pointillé autorise à utiliser la voie de gauche pour dépasser. Le scooter, aperçu dans le rétroviseur, n'a pas l'intention de me dépasser. A priori, rien n'interdit de dépasser. Mais un détail d'importance doit m'inciter à ne pas me lancer dans cette manœuvre. C'est ce passage sur lequel des piétons peuvent s'être engagés et que je risquerais de heurter. Donc je ne dépasse pas. Réponse A et D.